Moi j'aimerais croire toutes les histoires, comme disait quand j'étais marmot, cueillir les rêves comme des fruits, parler aux oiseaux. Mais y'a plein de gens prétentieux qui voudraient me bander les yeux pour faire de moi un gars sérieux. Un gars sérieux. Moi je voudrais chanter aux gens des tas de refrains sur le bonheur, les faire lancer, faire chanter, taper les mains pendant des heures. Mais y'a toujours des gens douteux qui me disent que je peux pas être heureux sans être comme eux. Un gars sérieux. Un gars sérieux. Moi j'aime penser que dans la vie faut prendre le temps de rigoler. Et puis j'aime bien imaginer des vacances qui durent toute l'année. Mais y'a encore des cutéreux. Qu'est-ce qui serait merveilleux serait que je devienne un gars sérieux. Un gars sérieux. Alors des fois je me dis comme ça que c'est peut-être moi qui me suis trompé, que finalement ils sont nombreux à penser que mes rêves sont usés. Alors j'essaye de faire comme eux. Rien à faire, même quand je serai vieux, je serai jamais un gars sérieux. Un gars sérieux. Chauffe, chauffe, chauffe. Ce soir encore, je vais chanter et boire peut-être un coup de trop. Je rirai fort et je danserai, même tout seul s'il le faut. Et ce qui est sûr, c'est qu'une fois encore, que je me coucherai ivre mort, je serai encore un gars heureux. Un gars heureux. Si vous aussi, pour cette nuit, vous voulez bien m'accompagner, alors riez, alors dansez, y'a rien qui peut nous empêcher. Ce soir, je crois qu'on n'est pas couché. On va se saouler et gueuler qu'on sera jamais des gens sérieux. Des gens sérieux. Des gens sérieux. Chauffe, chauffe, chauffe. Des gens sérieux. Des gens sérieux. Des gens sérieux. Des gens sérieux. Des gens sérieux. Des gens sérieux.